Genèse chapitre 3. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit, et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Alors ils ouïrent au vent du jour, la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait par le jardin, et Adam et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela Adam, et lui dit, « Où es-tu ? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint, parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu ? N'as-tu pas mangé du fruit de l'arbre, dont je t'avais défendu de manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et entre toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme, cette semence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ton travail et ta grossesse, tu enfanteras en travail les enfants, tes désirs se rapporteront à ton mari, et il dominera sur toi. » Puis il dit à Adam, « Parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé, en disant, « Tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi, tu en mangeras les fruits en travail tous les jours de ta vie, et elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes en la terre, car tu en as été pris, parce que tu es poudre, tu retourneras aussi en poudre. » Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam, et à sa femme des robes de peau, et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal, mais maintenant il faut prendre garde qu'il n'avance sa main, et aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à toujours. » Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden, pour labourer la terre, de laquelle il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme, et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden, avec une lame d'épée qui se tournait çà et là, pour garder le chemin de l'arbre de vie.